sur les pavés luisants, les ombres des amants qui s'agitent. Comme un flocon d'argent, je conduis au volant d'une vie qui s'effrite. Bastille se réveille, Paris sommeille. Je marche dans les flaques, les gens sont comme des sacs, des silhouettes. La lumière s'allume, une ombre là où fume une cigarette. Cet homme qui quémande, Paris, Paris me hante. Au cours de ces années, j'ai appris à me consoler. Porte dorée, on s'est souvent réunis sur la place d'Italie pour un ciné. Et même si le temps a passé, Paris reste tatoué. On s'était rencontrés à la terrasse d'un café sur les Champs-Élysées. On avait partagé un amour étranger. Comme le bruit d'une glace, Paris, Paris m'enlace. J'ai fait le lien entre mes émotions, ma vie et mon destin. Rue Saint-Germain, pour mon dernier métro, ce sera Paris. Bon Mirabeau.